إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإخواننا الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها من النار. آمين آمين. وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نستأنف في هذه الليلة المباركة بإذن الله une explication d'une petite lettre que فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ علي بن خضير الخضير a fait, donc il parle de quatre règles, donc les quatre règles qui différencie entre la religion du musulman et celle des laïcs. Al-qawa'id al-arba' allati tufarriqu bayna din al-muslimin wa din al-ilmaniyin. Donc donc c'est une lettre que le cheikh il a écrit c'est une lettre que le cheikh Ali ibn Khudayr Khudayr a écrit. عَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ وَأَهْلِهِ وَمَشَايِخِهِ وَطُلَّابِهِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. Amin. Qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents, à sa famille, à ses chouyoukh, à ses élèves et aux musulmans du monde entier. Donc il a commencé, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafi Al-Anbiya'i Wal-Mursaleen, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc il fait une introduction qui dit au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et la paix et les bénédictions soient sur le meilleur des prophètes et messagers, notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, Ujma'in. Wabad. Ceci est une courte lettre sur les règles grâce auxquelles le musulman fait la différence entre le nouveau paganisme et l'associanisme contemporain. فهذه رسالة مختصرة في قواعد يعرف فيها المسلم الفرق بين دينه العظيم وبين الوثنية الجديدة والشرك المعاصر المسمى بالإلمانية بجميع أصنافها الكثيرة، ليجتنبها ويبتعد عنها ويبرأ منها ومن أهلها المسمين بالعلمانيين، ويبرأ إلى الله منهم ويكفرهم ويعاديهم ويبغضهم ويجاهدهم، سواء كانوا مفكرين أو مثقفين أو سياسيين أو حكام. Donc ici le cheikh il dit quoi? Il dit ceci est une courte lettre sur les règles grâce auxquelles le musulman fait la différence entre le nouveau paganisme, cette nouvelle idolâtrie, et l'associanisme contemporain qui est sous le nom de la laïcité. Et cette laïcité, il dit, sous ses différentes formes, pour que le musulman s'en écarte et s'en éloigne, et pour qu'il se désavoue de celui qui se dit laïque. Et pour qu'il se désavoue de celui qui se dit laïque. Pour qu'il mécroie en eux, qu'il ait des hostilités contre eux, qu'il les déteste, hein, en Allah, qu'il leur fait le jihad avec la langue. Ici, par le jihad avec la langue, avec toutes les formes du jihad, qu'ils soient ces gens-là, ces laïcs, qu'ils soient philosophes, intellectuels, hommes politiques, gouverneurs, il dit, il dit que ces gens-là, que ces laïcs qui se disent laïcs, qu'ils soient philosophes, intellectuels, hommes politiques, gouverneurs, journalistes, chanteurs, comédiens, que ce soit des théories, hein, que ce soit des théories, que ce soit un gouvernement, que ce soit un système ou une autre chose. D'accord? Ensuite, il dit, ensuite, il dit, ces quatre règles sont les suivantes. Sont les suivantes. La première règle, il dit, al-qa'idatul oula, la première règle, أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية. Il dit que les mécréants, les kuffars, que le prophète عليه الصلاة والسلام a été envoyé en eux, reconnaissaient la seigneurie. كانوا يعترفون ومقرين بالربوبية. قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Hein? ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. Donc il fait sortir le mort du vivant et qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors ne le craignez-vous donc pas. Ne le craignez-vous donc pas. وقال سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront, à Allah. Dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites, si vous le savez, ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Sayakulun, lillah, qul fa anna tusharun. Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Comme Allah عز وجل a dit dans Sourate Yusuf, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. ومع ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفرهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Et toutes ces choses-là, يعني هذا توحيد الربوبية. Donc ils avaient توحيد الربوبية. Et toutes ces choses-là, ils reconnaissaient que c'est Allah le créateur, que c'est Allah qui donne la subsistance, que c'est Allah qui a créé les terres et les cieux, mais ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, le prophète alayhi salatu wasalam les a combattus et l'a rendu mécréants. Et ceci, et ce tawhid raboubiya ne les a pas fait rentrer dans l'islam. En n'ayant que ce juz, que cette partie de tawhid raboubiya, ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam. والعلمانيون غير الغلاة يقرون بالربوبية كذلك وعندهم بعض العبادات فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. Et les laïcs, hormis les exagérateurs, reconnaissent aussi la seigneurie à Rububiyya. Et ils ont quelques adorations qui n'ont pas permis de les faire rentrer dans l'islam. غير الغلاة يقرون بالربوبية كذلك وعندهم بعض العبادات فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. أما الغلاة, quant aux exagérateurs, فهم أشد فعندهم لا إله ولا رب والحياة مادة. Quant aux exagérateurs, ils sont pires, car ils ne croient ni en Allah, ni en un créateur, et que la vie est une matière. Et que la vie est une matière. Ça c'est la première des règles. La première des règles, que c'est que les premiers koufars avaient une partie du tawhid qui est tawhid al-rububiyya, mais ils n'avaient pas de tawhid al-uluhiyya. Donc le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire ton adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient, c'est ta relation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu adores Allah azza wa jal. Al-qa'idat al-thaniya, la troisième des règles, أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في أناس لهم تشريعات وقوانين يفصلون فيها بينهم في الخصومات وغيرها. Donc ce que le prophète, la troisième règle, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé à des personnes qui avaient des législations et des lois qui jugeaient avec entre eux lors des conflits ou autres. D'accord? ولهم عوائد جاهلية يسيرون عليها. فَلَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَ اللَّهِ وَلَا هَدْيَهُ فَكَفَّرَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَاتَلَهُمْ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Et donc ces gens-là, ces koufars, ils avaient des habitudes de jahiliya, du temps de l'ignorance. Ils avaient des habitudes de temps de l'ignorance qui suivaient. De ce fait, ils n'ont pas accepté le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ils ont pris son chemin. Allah les a rendus mécréants ainsi que son messager. Et ce dernier, alayhi salatu wassalam, les a combattus et il n'a pas fait la et il ne les a pas fait rentrer dans l'islam. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. فَمِنْ تَشْرِيعَاتِهِمْ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit que parmi leur législation, donc le Cheikh, il a dit que parmi leur législation, ce qui a été relaté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Les shayatins inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Et Allah a dit sur Quraysh et ceux qui les ont suivis, ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi Quraysh wa man tabi'aha. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permis? Subhanallah. Et les laïcs ont des législations et des lois, des tribunaux, des lois de tribunaux régionaux, mondiaux. Ils règlent à l'intérieur leurs conflits et d'autres choses. والخصومات وغيرها. العلمانيون لهم تشريعات وقوانين ومحاكم وضعية وإقليمية وعالمية يفصلون فيها بينهم. Ils règlent leur conflit, leur désaccord. ولهم عوائد جاهلية يسيرون عليها يسمونها حضارة وتنور وتطوير فلم يقبلوا حكم الله. Donc ils ont des habitudes de jahiliya qui suivent, qu'ils appellent civilisation, lumière, modernité. Ils ont donc refusé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre son chemin. دونك فلم يقبلوا حكم الله ولا هديه، فلا بد من تكفيرهم والبراءة منهم. دونك il est nécessaire de les rendre mécréants et se désavouer d'eux. La troisième règle, أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس يجعلون الدين في شيء دون شيء، يعبدون الله في الشدة دون الرخاء فيشركون. قال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc la troisième des règles, c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام est venu chez des gens qui appliquaient la religion dans ce qu'ils voulaient, dans ce qu'ils désiraient. Ils adoraient Allah Ta'ala dans les moments de prospérité, dans les moments durs, et non dans les moments de prospérité. Ils adoraient Allah Subhanahu wa Ta'ala dans la difficulté, et non dans les moments de prospérité, d'aisance. De ce fait, ils étaient associateurs. De ce fait, ils étaient associateurs. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit: Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés, une fois qu'ils ont été sauvés du danger de la mer, une fois qu'ils ont été sauvés sur la terre ferme, voilà qu'ils donnent à Allah des associés. Voilà qu'ils donnent à Allah des associés. فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah avec sincérité. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Quand il les fait sauver vers la terre ferme, voilà qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ces kuffars, ils adoraient Allah ta'ala dans les moments difficiles, c'est-à-dire ici, quand il y avait des épreuves, et non dans les moments de prospérité, quand il n'y avait rien, quand ils n'étaient pas éprouvés, ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ: وكذلك يجعلون لله شيئا وللأوثان شيئا ثم مثل ما جاء في قوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. D'accord? Donc, et aussi, ils adoraient des choses, et aussi, ils rendaient des choses à Allah et d'autres à leurs idoles. Comme cela a été rapporté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il lui-même subhanahu wa ta'ala a créé. Ils disent quoi? Ceci est Allah, selon leurs prétentions, et ceci est à notre divinité. Ils disent: هذا لله وهذا شركائنا بزعمهم هم يزعمون. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. D'accord? والعلمانيون يعبدون الله في المسجد وفي رمضان وفي النكاح والطلاق والأحوال الشخصية فقط وفي غير ذلك يرجعون إلى تشريعاتهم وعوائدهم ضالة. Et donc les laïcs, ils adorent Allah dans les mosquées seulement, durant le mois du Ramadan seulement, lors des mariages seulement, lors des divorces seulement, et pour leur situation personnelle seulement. Et en dehors de cela, ils reviennent à leur législation et aux habitudes d'égarement. Donc, هذه القاعدة الثالثة. Donc, c'est la troisième règle. C'est que les kuffars, ils adoraient Allah Azza wa Jal quand ils voulaient. Au temps du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et les ilmaniyoun, ils font de même au jour d'aujourd'hui. Ils adorent Allah Azza wa Jal quand ils veulent. Et quand ça leur arrange. D'accord? القاعدة الرابعة. Donc la quatrième règle, c'est que جاء الرسول إلى المشركين ولهم أرباب كثيرة ومختلفة فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد عيسى بن مريم. D'accord? Ici, le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chez des associateurs qui avaient plusieurs divinités et qui étaient différentes les unes des autres. Il y avait certains qui adoraient les statues et certains qui adoraient les anges. D'autres adoraient les djinns. D'autres adoraient les étoiles. D'autres adoraient le feu. D'autres adoraient Isa, le fils de Maryam. ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين فلم يفرق بينهم في الحكم والكفر والقتال. Donc, et d'autres qui adoraient les prophètes, il y avait même qui adoraient الصالحين, les pieux. Donc, ici, on n'a pas fait la différence dans le jugement ou la mécréance ou le combat. Donc, c'était la même chose. والعلمانيون كذلك لهم آلهة كثيرة وهم طوائف باعتبار معبودهم منهم من يعبد الأمريكان ومنهم من يعبد الأوروبيين ومنهم من يعبد الروس ومنهم من يعبد النظام العالمي الجديد ومنهم من يعبد الحكام ومنهم من يعبد النظريات ومنهم من يعبد الوطن ومنهم من يعبد القومية والجنس ويعبدون قياديهم و ومفكريهم فلا فرق بينهم في الكفر. Donc ici il dit, et les laïcs, eux aussi, ont diverses divinités. Ils sont plusieurs groupes, selon leurs adorations. Selon leurs adorations. Parmi eux, il y a ceux qui adorent les États-Unis. Il y a d'autres qui adorent les Européens. Il y a d'autres qui adorent les Russes. Il y a d'autres qui adorent les Nations Unies, l'Umam al-Mulhida, pas al-Mutahida, l'Umam al-Mulhida, les Nations Unies. Il y a ceux qui adorent les gouverneurs. Il y a ceux qui adorent des théories. Il y a ceux qui adorent la patrie. Il y a ceux qui adorent le nationalisme. Le Qawmiya, le Wataniya. Il y a ceux qui adorent leur guide, leur penseur, ils les adorent. Il n'y a pas de différence sur leur mécréance. Il n'y a pas de différence sur leur mécréance. Ça, c'est des kuffars. C'est des kuffars. Ou les ilmanyoun. Kayfa ma kanat wa kayfa kanat hiya suratuhum. Hadihi wa bayna qawsayn mas'ala. Il y a un sujet, entre parenthèses. الشيخ يجي ويلحق بذلك نابتة وطائفة ضالة في هذا العصر يجي ويلحق بذلك نابتة وطائفة ضالة في هذا العصر وهم جسر العلمانيين وأذنابهم وأفراخهم وهم طائفة العصر. Donc il dit, il s'ensuit à cela une graine qui pousse, un groupe d'égarement de ce temps-là. D'accord, ils font partie des morgia, exagérateurs dans ce qui concerne l'iman, la foi. Fahum une roulette morgia fi bab l'iman wa takfir. Fahum roulette morgia. Min bab fi bab l'iman wa takfir. Et ceux-là sont atba', raslan. Donc on les cite, on cite les noms. Le cheikh il parle ici de atba' raslan, wa rabi al-madkhali, wa al-najmi, wa suhaymi, haoula, المنحرفين ايسون كثر ايسون نومبرو ان فرانس. هدانا الله واياهم. دونك هؤلاء غلاة المرجئه في باب الامام والتكفير. دونك سي دي مرجئه اكزاجيراتور دون سكي كونسيرن الايمان لا فوا اي لو تكفير. غاندر ميكريان المعين ان بيرسون انديفيديوالمون. وفي باب فقه أهل أهواء وشهوة وإباحية وخضوع للواقع وترخص ينتهي بهم إلى الزندقة. Donc ces morgia, il parle de ces morgia, ils disent en ce qui concerne la jurisprudence, ce sont des gens qui suivent leurs désirs, leurs passions, et ils suivent les permissions, ils suivent la soumission à la réalité d'aujourd'hui et les autorisations qui finissent par les conduire dans la perversité. Wallah, hadha huwa al-waqi', c'est la réalité. C'est la réalité. En termes de jurisprudence, il dit, ce sont des gens qui suivent leurs désirs, leurs passions. Ils suivent les permissions. Ils suivent la soumission à la réalité d'aujourd'hui. Ils suivent les autorisations. والترخص ينتهي بهم إلى الزندقة، يعني ce qui finit par les conduire et les mener vers la perversité. Vers la perversité. Donc, au fil khitam, le cheikh il dit, et pour conclure, نضيف كلاما للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله فإنه فيما أعلم من أوائل من فضح هذه الوثنية. Il dit, on rajoute des paroles du cheikh عبد الرحمن بن محمد الدوسري, car selon ma connaissance, il fait partie des premiers à avoir exposé ce nouveau fléau, ce nouveau paganisme, et cette nouvelle idolâtrie. ويقول وهذا الشرك المعين المعاصر ألا وهي العلمانية. فقال في خاتمته على كتاب كشف الشبهات طبعة الأولى عام 1385، حيث جعل خاتمة على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. Il dit cette mécréance explicite moderne qu'il a récité, il a dit dans sa conclusion, dans son livre Faire apparaître les ambiguïtés, Kashf Shubuhat, faire apparaître les ambiguïtés, il a dit حيث جعل خاتمة على كتاب كشف الشبهات, première édition de l'année 1385 de l'Hégire, où il a rendu sa conclusion sur l'explication du livre Kashf Shubuhat du Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, dans laquelle il a exposé allez, cette forme de paganisme. Il dit كشف فيه رحمه الله أسرار الوثنية الجديدة والشرك المعاصر كما كشف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشرك المعاصر له فقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات عالج الشرك الشرك التخريف بصورته المتمثلة في دعاء الأموات والغائبين وتقديس القبور، ثم حدثت ضروب من الشرك برزت بأسماء وألقاب ينخدع بها الجهلة ويتعلق بها المغرضون والحاقدون. Ensuite il dit, que Allah fasse miséricorde au Cheikh, il a montré les faces cachées de ce nouveau paganisme. Donc le Cheikh, il a dit que le Cheikh, il a montré, démontré les faces cachées de ce nouveau paganisme et d'associanisme moderne, comme il l'a fait avec le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab. Le Cheikh Abdelrahman Dossari, il a dit, le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, dans son livre Faire apparaître les ambiguïtés, Kashf Shubuhat, a traité l'associanisme de mythe sous ses différentes formes. Dans l'invocation des morts et absents, dans la glorification des temples, puis il a parlé des formes de mécréance connues grâce à des noms et appellations avec lesquels on trompe les ignorants et auxquels s'y attachent des personnes faibles d'esprit et des ennemis. D'accord? وَقَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ هُمُ الْيَهُودُ وَالْمَجُوسُ لَمَّا خَافُوا مِنَ الْبَعْثِ الْإِسْلَامِ الصَّحِيحِ الَّذِي نَدَبَ إِلَيْهِ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقام به مع أعوانه وفي هذا الوقت كسبوا أنصارا من بني جلدتنا فألهبوا حماس الجهلة بنعارات العصبيات القومية في كل أمة إسلامية فظهرت الوثنية الجديدة وعبادة المادة والشهوات وتقديس الأشخاص بحجة الجنسية والوطنية حتى تكونت في المحيط الإسلامي والعربي خاصة ردة جديدة بمن تحلوه من مبادئ وطنية ومذاهب مادية مزخرفة بألقاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ومذاهب مادية مزخرفة بألقاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. Il dit, ceux qui ont suivi leur orgueil, ce sont les juifs et les majus. Parce que ils avaient peur de l'envoi. Ils avaient peur de l'envoi du véritable islam, auquel se sont maintenus à Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et il l'a fait avec ses élèves, ses collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, ces juifs ont gagné des alliés qui font partie de notre communauté. Ils font partie de nous. Et ils ont enclenché l'enthousiasme des ignorants. D'accord? Hatta al-asabiyyat. Fa'alhabu hamas al-jahala. Bina'aratin al-asabiyyat. Et ils ont enclenché l'enthousiasme des ignorants. qui les pousse à cette intolérance ethnique dans toutes les communautés musulmanes. Il est donc apparu ce nouveau paganisme et le culte des désirs matériels et des passions et la glorification des personnes sous le prétexte de la nationalité et du patriotisme, jusqu'à que cette idéologie a été formée dans le monde islamique et arabe spécifiquement, qui a mené actuellement à la nouvelle apostasie. Puis il a dit, donc cette apostasie, elle a été semée avec des principes de patriotisme et de doctrine, de désir matériel, embellie avec de belles appellations sous forme de miséricorde, remplie de châtiment. Mamlu'a bi'alqab muzakharafa, embellie. Muzakharafa bi'alqab zahiruha ar-rahma wa batinuha al-adab. Sous forme, à l'intérieur, sous forme, et zahiruha, sous forme de miséricorde, à l'intérieur, remplie de châtiment. وبعد هذه المقدمة تكلم الشيخ عبد الرحمن الدوسري عن معنى الألوهية وأصولها. après cela, الشيخ après cette introduction, الشيخ عبد الرحمن الدوسري a parlé du sens de la seigneurie, الربوبية, et de ses bases. وهما أصلان, il a dit, ce sont deux bases. الكفر بكل معبود. Le premier, c'est mécroire en toute divinité. Deuxièmement, l'unicité d'Allah Azza wa Jal et se soumettre à son ordre. La deuxième chose, إفراد الله بالعبادة والاستسلام لحكمه ثم تكلم عن حقيقة العبادة والحب في الله والبغض وبغض أعداء الدين. Puis il a parlé de la réalité de l'adoration et aimer en Allah et détester les ennemis de la religion. Aimer en Allah et détester les ennemis de la religion. ثم تكلم عن حقيقة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبه وقال وبه تعرف مدى ما انغمس فيه غالب المحسوبين على الإسلام من الوثنية الجديدة وما استجلبوه من مبادئ الغرب ومذاهبه المادية فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله وجعلوا لأنفسهم الغيرة فيما يشرعون وينظمون خلافا لما قضى الله ورسوله واتبعوا ما يمليه رجال تألهوهم بالحب والتعظيم وجعلوهم أندادا من دون الله كالقومية والوطنية وما يستلزمها من المذاهب المادية. Ensuite il a dit, puis il a parlé de la réalité de Millat Ibrahim, la religion d'Abraham, de Ibrahim, ou la voix d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il a dit, c'est ce dans avec quoi tu reconnais que la plupart de ceux qui se disent musulmans se sont engloutis dans ce nouveau paganisme. Et ceux qui ont appris des principes de l'Occident, c'est leur doctrine de désir matériel. Ils ont rendu des limites aux nations par-dessus les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont des préférences dans leur législation et loi, contrairement à ce que Allah a légiféré, ainsi que son messager. Et ils ont suivi des directives d'hommes qui aiment et glorifient. Et ils ont rendu des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala comme le nationalisme et le patriotisme et ce qui va dans le sens de la doctrine des désirs matériels. ثم ذكر من جعل الوطن ندا لله في قوله القائل. Puis il a cité celui qui a rendu le patriotisme égal à Allah, comme dans la parole du poète بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. Donc ton pays a le pied sur toutes les communautés, pour sa cause tu manges et pour sa cause tu jeûnes. Donc ça c'est les gens qui défendent et qui se soumettent au patriotisme. Donc ils font tout. Et donc ici, il a dit min ajliha aftar min ajliha sum. C'est adore ce patriotisme. Donc c'est les gens qui ont décès l'adoration d'Allah Azza wa Jal et qui adorent le patriotisme. وجلبوا ثم قال وجلبوا موالاة أعداء الله بحجة الجنس والوطن وتعطيل الشريعة بحجة التطوير الفاسد وعبادة كل طاغوت في سبيل ذلك. Donc il a dit, et ils ont attiré l'alliance aux ennemis d'Allah Azza wa Jal en prenant pour excuse la nationalité et le patriotisme. وتعطيل الشريعة. إيه ils ont délaissé et abandonné la charia بحجة تطوير الفاسد. En s'appuyant sur التطوير الفاسد, c'est le faux avancement et la fausse modernité. وعبادة كل طاغوت, et l'adoration de chaque tarot et de tous les tawaris dans cette voie-là, dans la voie du patriotisme et du nationalisme. Et parmi leurs faux principes, et ils ont des principes, et parmi ces principes, il y a le principe de la religion et Allah, et la patrie appartient à tous. La religion et Allah, et la patrie appartient à tous. ونبدأ الدين وعلاقة بين العبد وربه فقط لا شأن له في الحياة. Et le principe de la religion est le lien entre le serviteur et son créateur et n'a rien à voir avec la vie ici-bas. La religion n'a rien à voir. لله وما لقيصر. C'est cette règle qu'ils appliquent. La vie ici-bas, Allah Azza wa Jalla, la religion n'a rien à voir dedans. On fait ce qu'on veut, on légifère et on applique les lois des êtres humains, et les lois et la religion n'a rien à voir avec هذا ما يسمى به أن شرك القبور ولا يتكلمون عن شرك القصور. On a le socialisme des tombes, mais le socialisme des consorts, des sultans, on n'en parle pas, et des gouverneurs. Puis il a dit, وذكر أنه لا يزال خريج المدارس الاستعمارية يركزون هذه المفاهيم في طبقات الأمة الإسلامية. Il dit, pardon, j'ai sauté le troisième principe, il y en a trois, donc j'en ai cité deux. Le troisième, ومبدأ إرادة الشعب من إرادة الله. إرادة الشعب من إرادة الله. يجي un troisième principe يعني de الوطنية et de ces laïcs, c'est le principe de l'envie du peuple émane de l'envie d'Allah. يعني si le peuple il veut démocratie, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui les a poussés à avoir démocratie et à avoir la démocratie. يعني إرادة الشعب من إرادة الله. Elle émane de l'envie d'Allah. Puis il a dit, وذكر أنه لا يزال خريج المدارس. يعني il a dit ensuite, et il a rappelé que des diplômés de grandes écoles colonisées, استعمارية, يركزون هذه المفاهيم. يعني يركزون, ils insistent, ils ancrent cette idéologie dans les différentes catégories de la communauté musulmane. Et il a dit que les écoles sont en réalité les premiers à nous imposer la colonisation par le biais de la culture. De leur culture. Et a dit, يركزون في طبقات الأمة الإسلامية. وقال إن المدارس هي أول ما فرض الاستعمار علينا ثقافته بواسطتها. يعني par le biais de quoi? Par le biais de la culture. Par le biais de la culture, ils ont imposé leur colonisation. ثم قال فعلى المسلمين شبابا وشيبا وحكومات وشعوبا أن يقاوموا هذا الشرك الجديد والوثنية الجديدة. Et puis il a dit, il faut que les musulmans jeunes et vieillards, gouvernements ainsi que les peuples, combattent ce nouveau shirk et ce nouveau paganisme. انتهى كلامه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.